parler du cosmos, puis ça, c'est le fun. Ça rend ça meuble l'esprit, puis ça avance nulle part. Mais comment vivre tout de suite là, dans la rue, là, dans le bureau, dans la famille, dans le lit, tout ça, là? Ça, c'est ça que je considère essentiel. De temps en temps, je réponds à vos questions. Je vous donne un petit peu de souffle. Pas pour vous tout, vous tenir dans cette vibration-là. Parce que le saint, pour moi, c'est facile, mais pour vous autres, c'est moins facile, le saint. Jusqu'à temps que ça devienne facile, le saint. Quand ça devient facile pour vous autres, le saint, là, ça rentre. Là. C'est là que vous devenez un canal. Quand vous parlez, on vous écoute, puis c'est ça. Moi, quand elle parle, c'est ça. C'est ça. Ben, faut que je ferme ma gueule quand elle parle, parce que c'est ça. Si tu veux, je te dis. Ben, quand des gens pourront me parler que ce sera ça, à ce moment-là, les gens pourront parler à d'autres. Fait que là, j'aurais pas d'inquiétude que les gens diront des choses qui sont pas justes, parce qu'ils sont déjà ajustés. Parce que si tu commences quelque chose, si tu commences à former un noyau vibratoire dans une conscience sociale, tu le suis, cette affaire-là. Ils me parlent, eux autres, quand je suis là. T'es là. Pas, je sais ce qui se passe dans vos vies. T'es obligé de tout rajuster, pas ajuster. Fait que tu viens fatigué. Oui, mon numéro de téléphone, je ne te donne pas par ça. Ma mère était épuisée en fin de semaine. On a fait un séminaire. Téléphone ne rougit pas. Lundi, j'ai dit lundi après un séminaire, couche-toi puis dors. Pose-toi, va-t'en vu, va-t'en chez Eaton. Non. Téléphone. Savez-vous qu'est-ce que c'est? 800 téléphones. Fait qu'après ça, moi, je suis obligé de la booster, elle. Fait qu'on se booste constamment. Une personne appelle. Elle pense que c'est un quel qui appelle. Moi, je suis même, moi, j'ai pas de ligne, personne qui sait ce que je fais. Si elle, il y a quelqu'un qui capote l'autre fort, là, à ce moment-là, je vais les appeler. Faut qu'il capote bien fort. Parce qu'il pense qu'il capote. Il y en a eu deux, c'est ça, qui ont bien capoté. Là, ils capotent plus. Fait qu'il faut hiérarchiser l'énergie. Ah, il y en a qui guérissent. Il y en a où l'énergie est hiérarchisée dans le domaine spirituel, de l'astral, des illusions, de tout ça. Il y en a d'autres au niveau de la psychologie, puis c'est très important en psychologie. C'est à peu près temps que ça commence à s'hiérarchiser dans le domaine de la psychologie. Vous savez quel accord? Il y en aura d'autres. Il faut qu'elle comprenne. Si elle ne comprend pas, elle ne peut pas passer d'une étude. Tant qu'elle ne me comprend pas, j'attends. Tant qu'elle me comprend, je continue. Parce que vous allez comprendre un jour que quand les gens comprennent, c'est un grand plaisir. Un maudit grand plaisir. Peut-être le plus grand plaisir qu'elle peut avoir. Parce que quand tu es conscient de l'intelligence supplémentaire, tu peux intéresser à ce que tu sais. T'es intéressé à faire passer l'énergie. Si des gens qui font passer l'énergie, t'es content. Puis ça va, mais qu'est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Il y en a pas ça qui ont une vibration pour la favoriser, c'est que ça. Tant pis. Il ne s'agit pas de me comprendre. Il s'agit de savoir ce que je veux dire. Quand des gens savent ce que je veux dire, automatiquement ils se comprennent. Quand ils se comprennent, ils peuvent le parler. Quand ils parlent, ça continue. Il y a le jeu. Moi, ça fait 10 ans qu'il me parle. Du tout, ça arrête jamais. C'est infini à conscience. Je vous dis, c'est infini. Mais la clé à la conscience, c'est la vibration. Quand les gens sont capables d'écouter vibratoirement et non psychologiquement, là, à ce moment-là, ça grandit. La psychologie, elle se développe. C'est une structure, la psychologie. Tu emploies des mots, tu les mets d'une certaine façon, tu développes des théories. Tu peux pas aller voir quoi. Mais il faut que tu aies la vibration. Il faut que tu saches ce que tu dis. Il faut que tu sois sûr de ce que tu dis. T'as pas besoin d'être sûr. Au moins, il faut que tu sois sûr de ce que tu dis. Quand vous serez sûr d'être sûr, à ce moment-là, vous serez sur un autre plan vibratoire, vous aurez la responsabilité de votre gueule. Quand t'es sûr d'être sûr, t'as la responsabilité de ce que tu dis. Parce qu'à ce moment-là, ce que tu dis te charrie.

par orgueil, parce que tu ne veux pas, ils vont être différents, tu vas être obligé d'être parfait. Puis comme être parfait, sa planète, c'est bien vu, parce que c'est l'ego qui regarde la perfection. Et il va être déçu, parce que l'ego ne va jamais lui mettre la perfection. Fait qu'on est toujours égo au niveau de l'âme, au niveau de la lumière de l'âme, ou d'énergie intérieure. Alors, c'est ça qui est le positif. On est égaux au niveau de ce positif-là. Mais on est tous différents au niveau de nos égaux. Fait que, moi, en tout cas, quand je dis aux gens, un gâteau vachon, il n'est pas plus gâteau vachon qu'un autre gâteau vachon. Tu sais? Alors, la lumière, c'est pas plus lumière ta lumière que ma lumière. Là-dedans, on est égaux. Parce que souvent, avec toi, Hélène, tu comprends ça, t'es psychologue. T'es chanceux, ils te comprennent ça comme si moi, la vie, je sais pas trop, là. Et quand tu comprends ça, c'est toute facilité parce que ils savent que l'étiquette, ça appartient à l'ego. Puis quand je regarde le miroir, c'est l'ego. Mais je regarde jamais la lumière dans le miroir. C'est le corps, c'est la bottine, c'est la pure de ce fait. Bonjour tout le monde. Salut. Il dit que si on savait écouter les gens, on apprendrait différentes façons de dire des choses. C'est le langage populaire qui a raison sur tout. Ouais. Tu sais, quand tu dis dans le langage populaire, t'as-tu perdu l'esprit, donc? Ben oui, c'est ça, quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui a perdu l'esprit. Quelqu'un qui a manque d'énergie au niveau de son corps physique, qui est charrié au niveau du mental. Tu sais qu'on dit quelqu'un? Maudit qui a l'air d'être dénuant. Quelqu'un qui n'a pas les deux pieds sur la terre, maudit qui n'a pas l'air d'être solide. Ben va voir un ego qui est ferme. T'as rien qu'à regarder tes yeux physiques. Il marche les pieds, soulevés, les talons soulevés. Puis la tête comme ça. C'est le monde ordinaire, là, c'est ça qui perd. Quand tu parles d'énergie et de polarité, hein? Mon père qui a jamais été école de sa vie, il disait, il y a deux côtés de la médaille. Fais le nord. Elle retournait à l'autre bord de Saint-Pierre. Tu sais? C'est le langage populaire, là, le mot t'a dit que c'est plein dans ça. Le langage populaire, c'est l'accumulation et la confirmation de l'intuition individuelle sur un plan collectif. C'est comme si toutes les petites intuitions, là, parce que si toi tu dis quelque chose qui est intuitif et qui est réel, tu es tout seul. Mais quand tu as des millions de personnes qui le disent pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, là ça devient ça. C'est ça l'anglais. C'est très vrai. Seul, non. On n'est jamais prophète dans son pays. Mais tout est bien. C'est ça. Mais tout accumulé ensemble, là, ça. C'est pour ça qu'une fois qu'on en arrive à savoir qu'on a raison, qu'on en arrive à pouvoir juger par soi-même de ce qu'on sait ou de ce qu'on dit, qu'on a beaucoup de plaisir dans la vie à parler. Beaucoup de plaisir. C'est là qu'on se nourrit. On se nourrit parce que parler, c'est de la nourriture pour le mental. Là, on se nourrit, on se nourrit. Fait que donne-nous de la soirée. C'est un grand plaisir. Il dit que deux hommes conscients sur une île pourraient vivre sans manger. C'est en libération. Tant que c'est fort. Rien qu'à parler. Ils maintiendraient leur énergie. Éventuellement, ils changeraient tout. Mais parler... La communication, en tout cas, je connais ça, les gens qui suivent les cours de la communion, il y a la charrière, la place pour possible. Parler. Communiquer, là. Les gens qui communiquent entre eux, là, c'est bien mêlé sur nos communications. C'est fantastique. C'est bien compliqué sur nous. Il ne faut jamais se justifier à une autre personne. Ça, c'est pas communiqué. Se dire à une autre personne, ça, c'est communiqué. Et puis, je suis libre de ce que je dis. Alors, dans la vie du couple, ce que j'attends de mon mari, c'est qu'il communique. Il communique pas. Hélène, voudrais-tu me dire comment ça se fait qu'il communique pas? T'as-tu le goût de parler, moi, je m'en vais à l'autre bonheur? T'as-tu le goût de parler? Non. T'as pas le goût de parler, comme ça. Il n'y a pas le goût de se dire à toi. Laisse-les. Tu comprends-tu? On veut-tu qu'il parle?